Au sport, le 9 janvier, dans la Ligue de basketball Benjamin masculine division 3, Louis Saint-Laurent reçoit le Salésien Aistinguis à 19h. Le 10 janvier, au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Arthur de Saint-François, l'équipe Atome A des Sharks du Haut-Saint-François visite Club Piscine Sherbrooke à Rick Forest à 14h15. L'équipe Pee-Wee A reçoit l'équipe de Quaticook à Aistinguis à 15h. L'équipe Bantam A accueille Magog à 16h15. L'équipe Midget A est à Quaticook pour affronter les Frontaliers à 20h. L'équipe Midget B reçoit Frontalier 1 à 17h45. Le 11 janvier, au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Harford de Saint-François, l'équipe Novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Métro Plouf Sherbrooke à l'Arena Distinguis à 13h30. L'équipe Novice B est à Fleurimont pour affronter Métro Plouf Sherbrooke à 9h15. L'équipe Novice C est également à Fleurimont pour affronter Thibault GM Sherbrooke 2. Le match a lieu à 11h45. L'équipe Pee-Wee A se mesure à Hockey Expert Sherbrooke 2 à l'Arena Eugène Lalonde à 17h15.